bienvenue sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net sur le net. Il est actuellement 21h et des poussières et c'est Nuisance, l'émission qui nuit au sens, l'émission de toutes les nuisances et des non-sens. Il est actuellement 21h et des poussières et c'est Nuisance qui dure le vendredi soir comme à son habitude. Sur l'antenne du 05 61 53 36 95 qui dure le vendredi soir ou du 40 rue Alfred Duméril 31 400 Toulouse France. Sur l'antenne Canal Sud, c'est la radio Nuisance, c'est l'émission 36 95 qui dure le vendredi soir ou du 40 rue Alfred Duméril 31 400 Toulouse France. Sur l'antenne Canal Sud, c'est la radio Nuisance, c'est l'émission 36 95 qui dure le vendredi soir ou du 40 rue Alfred Duméril 31 400 Toulouse France. Sur Canal Sud, c'est la radio Nuisance, c'est l'émission 36 95. Vous écoutez Canal Sud et ses nuisances, et une fois n'est pas coutume, ce soir, on va écouter du punk. Life and nothing is the same. where's Andy? On the drums. Let's do secret pizza. Let's own it. Okay, this secret pizza. Thank you. couldn't. Hey, Greg is our new drummer. Yeah, Greg! Badge. This next song is called Couldn't. Have a

to receive is what we have to give. And to receive. About to receive is what we have to give. You're about to receive what you guys to give. What I came here to receive. What you're gonna receive to give. Is what we got to give. I'm about to receive. Ce que vous allez recevoir et ce que nous avons à donner. Ce que vous allez recevoir et ce que nous avons à donner. don't feel like being right now. Oh yeah. Yeah. Would you rather be like a reject? Yeah, I really want something right now, and that's what I want, and that's what I'm not gonna get. That? I don't want to get it. What do you want? I want not to get what I want. I won't give it to you. No, I know you don't have it to give it to. And anyways, I couldn't, since I don't really know what it is you don't want. Actually, I do want it, but I don't want to get it. Yeah, I but have it. How could I not give it to you? Oh, but you don't have it. If I don't know what me. It is. Yeah, but you don't have it anyway. I know what it is. You freak. Fucking freak. You freak. You shut up, you freak. Fucking owl. Freak. Freak owl. Freak. Quit freaking out, freak. Are you freaking serious, freak? Are you fucking serious, you fucking freak? Are you freaking talking to me, freak? Ouais. C'est qui les monstres ici, hein? C'est qui le paria? I know we're on the radio and all, but I'm raising my hand right now, really, really, really, really high. Really high? Yeah. And what does that mean? You know. Yeah, you don't know what you don't want it to mean, but it's exactly what it doesn't mean. Oh, I didn't get that. I didn't mean to not, you know, want be to, unclear about yeah, all of thought the process above. And yeah, you know. Yeah, it's so full of doubt. You know what we're not talking about. Certainly do not. You know it too well, freak. Don't chow. Yeah, won't chow down. Yeah. Turn it up. Keep it up. Shut it up. As long as it's dead. Knocked down, dead on the floor. Exactly. You can take it, wipe it up, and smush it on the wall. Yeah. Something like that. Ce qui signifie à peu près. Something like that signifie à peu près. Quelque chose comme style. Ça. Un truc dans genre. Genre. Ouais. Like, you know. Similaire. Qui se rapproche de. Qui semble. Qui s'éloigne pas trop. Être du... la même chose que. Tout ça. Are you ready? Are you ready? Are you ready? For what? We're about to give you, dear. Members of the auditorium? Is that correct? Members of the auditorium, go fuck yourselves. Yeah, please. But if you are to do it softly. Softly, like with you. Love. Because anything that hurts is not love. Something like that. And if you can't do it with love, do it with hate. Do yeah. it anyways. Do it however you can. Freaking want to be used. And want. Monstrous freaks. Just do it. Do it now. Licking now or never. So this just like you. Gotta forgive, you know. Right now or never. Good. So this just like you. Gotta forgive, you know. Now or never. Never forget. Something like that. Just do it. Right now. No, never. Something like that. Just like you. Softly. Right now. Licky goose. Now or never. Just like you should. Thank you. I said don't stop. That was some kind of freaking frustrating non-orgasm. Thank you! Yeah. Sadly, no one has passed. Okay. Ah oui, ouais. Ouais, bien sûr. We'll be right back. Hey, coming up. Hanging, hanging, hanging in the streets, yo. Hanging, hanging, hanging in the streets, yo. Cause I've been in the same motherfucking hang-dong. Hanging, hanging like a crazy. Coming, coming up, coming down. I don't give no motherfucking shit. And I've been there. Yo, yo, is that for real? I've been hanging, hanging, hanging in the streets, yo. Hanging, hanging, hanging in the streets, yo. And I don't, and I don't, and I don't give a motherfucking shit, yo. Cause I've been, cause I've been, cause I've been, cause I've been, cause I've been hanging, hanging, hanging, hanging in the streets, yo. Is that for real? Is that the truth? Is that for real? I don't give no motherfucking, fucking, fucking, fucking, yo, your motherfucking shit. Yeah, yeah. Motherfucking neighborhood, is that for motherfucking real, yo? And I don't give no motherfucking shit, yo. Cause I've been, cause I've been, cause I've been hanging, hanging, hanging, hanging, hanging, hanging on a rope, hanging, hanging, hanging by the neck. And I don't give no motherfucking fucking fucking fucking fucking fucking fucking fucking fucking fucking fucking fucking come. Is that for real, for real, for real, for real? The truth. I don't give no motherfucking hanging, hanging. Thank you. OCB, oxycarton blindé. OCB, faites tourner OCB, oxycarton blindé. OCB, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, faites tourner, cosa com, cosa cosa cosa cosa cosa nostra, cosa com, cosa com, cosa com, cosa com, intercom, is that the motherfucking intercom, cosa com, cosa com, cosa com, hardcore, cosa com, cosa com, eh ouais, vive la France, vive la, vive la, vive la France, cosa com, cosa com, cosa com. Cosa com, cosa com, cosa com, cosa com, cosa com, cosa com, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap, rap. Are you getting it? Are you getting it in the ears? Do you hear? Can you hear that? Do you get it in the ears? Is that, is that, is that, is that crystal clear? Could you get it in the ears? Could you get it in the ears? Could you, could you, could you, could you, could you, could you, could you get it in the ears? Is that, is that crystal clear? Really motherfucking know what about the joke, oh, cause I come, cause I came, and can I save the stream? Yeah, yeah, yeah, yeah, come on. Hardcore, vive la France. Hardcore, vive la France. Hardcore, vive la France. Crazy motherfucking quirk. DJ and I vibration coming up, coming up, coming up, coming up, cause you don't give a motherfucking fuck, coming up, and I've been in ragga same stream. Coming up, coming up, coming up, coming up, I don't give no motherfucking fuck, yeah. Coming up, coming up, coming up, coming up, and is that the same stream? Is that the same motherfucking dream? I don't know, coming up, coming up, coming up, coming up, coming up, and I just don't know. Coming the stream, is that the same dream as I've been hanging? Yeah, wow, wow, wow, touch the first button. Then donc attention, la fin du monde arrive. Fais donc attention, la fin du monde arrive. Fais donc attention, la fin du monde arrive. Je hais les putains de zombies, je hais les putains de patrons. Nous avons de la joie. Zombie soi qui mal y pense. J'y ai cru, j'y crois encore, j'y ai cru, j'y crois plus fort. Opium. Je voudrais acheter porno.fr, s'il vous plaît. C'est plus à vendre. C'est plus à vendre, merde. Bon, bah, je vais acheter bitcoin.com. Merci pour l'offre. Nuisance, ben c'est une émission de musique, comme j'y vous pouvez l'apprendre. J'y crois plus fort. La musique dans Nuisance, c'est plus fort encore que ça. Ouais, la musique. Do, ré, mi, fa, sol, la musique. La musique. Zique, sol, fa, ré, mi, dans ton cul. Parce qu'on a le droit de le dire, il est après 11h même. Donc on a le droit de dire aux enfants, allez vous faire foutre. Allez, les gars. Sale gamin, il est de avant merde. Aussi, hein. Allez vous coucher, ouais. C'est l'heure de vous dodoer. Il est jamais après 11h. Il est jamais avant 11h. Il est jamais 11h vraiment non plus. Après, avant. Il y a 11h. Ouais, un micronium de seconde. Ouais, voilà. 11h. Un cantat. 11h. 100h. 11h. Pas de heure. Alors je vais chanter une berceuse, c'est l'heure. Zombie, soit qui mal y pense. Ouais, zombie, ouais. Zombie. Zob, soit qui mal y pense. Haha. Jésus, grande barbe. T'es pas possible, hein. C'est dégueulasse ce qu'il vient de te dire là. Mais c'est pas possible, ça se dit pas. Hein. C'est raciste. Faut le penser. Non, ça j'ai pas dit ça. Ouais, mais moi je le dis là. Il fallait pas le dire. Faut pas abuser non plus. Faut prendre les choses à l'envers. Ah, c'est bien ce que t'as dit sur les noirs. Non, t'es pas possible. C'est nul ça. Ah, ça chier. Au moins c'est pas genre. Toutes les femmes sont des salopes, au moins c'est pas ça quoi. Tu vois, je veux dire, où. Ma mère est une sainte. J'adore le ma mère est une sainte. Ouais, ta soeur aussi. Mais c'est la personne qui décide de trouver ça raciste qui est raciste, non? Mais la plus sainte des femmes, c'est la sœur qui est aussi fille, qui t'aussi est mère, fille. La mère qui est sœur. Pacifiste, oui. Mais qui peut s'y filer. Voilà. C'est ça. Une fille aussi fiste que ça. Ça n'est que fils, c'est pas. C'est cela. Ça se paye. C'est un peu fille. Est-ce la cesse. Du mal à y croire. Eh bien, pourtant. C'est pas si facile. Ouvre bien grand... Tes écoutilles. Trou du cul et mate-moi les hémorroïdes purulentes, pestilentielles. On voit jamais les odeurs dans les films de boules, tu sais. Non, elle fait 5 bites dans le cul et qu'elle se chie dessus. On n'a pas les odeurs arrive. Avec ça. C'est un peu con. Hein. 92.2. Le mec d'ailleurs, hein, c'est pareil hein, pour moi. Un trou du cul, c'est un trou du cul. Hein. Certes. Plein de merde, encore mieux. C'est plus un trou du cul plein de merde, je veux dire. On va arrêter peut-être. Je vous dégoûte, je sens que je suis relou. Mais ah non, merde, jamais. J'ai pas les références sociales des gens ordinaires, moi tu sais, je suis. T'es décodé. Je suis ouais, décodé le gars. Psychiquement inapte quoi. T'es un alien quoi. Pas assez bien formaté. Aliéné carrément. Aliéné. Les aliens aliénés sont des réceptacles de magie noire. Magie vaudou, d'entre toutes les magies vaudou, nous voulons du vaudou. Du vaudou pour être libre de faire du vaudou, parce que nous sommes des esclaves dans un temps moderne, et que post-apocalypse n'existera pas pour nous, car nous sommes déjà morts. La fin du monde arrive. Il arrive. Elle est derrière nous. Il arrive rapidement. Oh merde, elle nous rattrape. Au niveau des portiques. passe par la porte de service laissée ouverte et s'arrête net. Il entend de la musique. Lointaine. De la musique. Des morts vivants qui font la manche en jouant des airs du pays. Je vends mon cerveau pour pas cher. Je troque contre de la bière. En massacrant des classiques pour égayer. Franchement, paye-moi ton cerveau. J'en demande pas cher. Ancien passager. Juste la chair fraîche. Eux aussi zombifiés. Ou à moitié décantés dans une marre. Juste de quoi ne rien en faire. Et vomir. Sombre dans le n'importe quoi, se dit-il. Vomir. Il descend. Tant qu'elle est en galère. Il sait que son camouflage lui permettra de. Est-il normal que tu désespères? M'aider. Quitte ce corps, vaudou. M'aider, cette sorcière. Mayday. Houston. S. We go to Texas. O.S. Over. Roger. Roger. Roger, over. Alpha Tango. Fucking hell. Alpha, Alpha. Houston, nous avons un problème. Coco Charlie Tango, paye-moi ta kétamine, mec. À mesure qu'il avance. Charlie, ok, Tango, Micheline, tu réponds. Je suis aussi Charlie. C'est Bernard. Je suis. Je suis Charlie ouais, ben Hebdo. Je suis Charlie Hebdo, salut. Je m'appelle Charlie Hebdo. Je suis Hebdo. Gainsbourg ? Non. Charlotte. Charlotte aux fraises. Charlotte aux fraises, bordel de merde, j'y ai pas pensé. À mesure qu'il avance, la musique se fait plus présente. Charlotte aux fraises, boudoir dans le cul. Non, baba au rhum, c'est dégueulasse. Boudoir dans le cul, je mange pas boudoir, ça. Boudoir. Il arrive au très long tunnel russe qui relie Châtelet au Hall. Glacé. Pudding. Oui. Là, deux tapis roulants. Éclair au boudoir dans ton cul. Dans mon cul, au cul. Charlotte au cul. Charlotte aux fraises, boudoir au cul. Charlotte au P. Charlotte à l'ouest. Charlotte pilote automatique. Charlotte. Oui. Carlita. Tu veux ton boudoir? Tu sais où le placer. Ma chérie, je t'aime tellement. T'aimes les barquettes trois chatons. Tu me connais tellement, je t'aime. Je suis pas sarcastique. Personne ne m'aime sur Terre. Je suis feuillantine, tout seul. Praliné. Je suis célibataire. Chocolat noir. Dieu merci. Noir comme le tréfonds de ton couloir. La patrouille de noir. 10h30. Noir. C'est noir. Ah. Noir. Ce soir. C'est noir. Ce soir. Noir, c'est le noir. Je déambule. Où est ma boute ? En robe noir. Du soir. Les parce buvards. Que soir et soir, ça rime. Tripaille. C'est même une rime. Tu délires. Moi qui voulais apporter la joie et la bonne humeur sur Terre. Qui a allumé la lumière? Comment des zombies peuvent-ils marcher ou pas? Contracte. Même si ce n'est qu'une parodie de défilé. Fais attention. Qu'est-ce qui a pu se réveiller dans leur cervelle vide? La fin du monde arrive. Pour provoquer une telle modification comportementale. Quelle bonne question. Une réminiscence de leur vie passée. Peut-être que tous ces croque-barbacs sont des anciens militaires qui ont été zombifiés alors qu'ils préparaient le 14 juillet. Très crédible. Mais le phénomène a de quoi faire flipper. Si les bouffeurs de cervelle commencent à marcher au pas, la vie va devenir beaucoup moins drôle. Heureusement, leur capacité à s'organiser laisse à désirer. Au fur et à mesure de la marche, la file de son intégrité. Certains membres s'éloignent, reviennent, s'éloignent à nouveau et s'immobilisent finalement. Hagard, grognant, démembré, bavant. Conan le hagard. La file perd ainsi un bon quart de ses effectifs avant hagard de regagner Conan. La bouche de Conard métro. Le métro. Conard le barbant. Alors que les zombies s'engagent dans les escaliers, il prend congé de la patrouille. Conan, tu es le dernier espoir de cette terre. La tête bouillonnant d'interrogation. Pardon. Qui suis-je ? Je suis un zombie. Après avoir bien galéré et fouillé des dizaines de magasins, il réussit à dégoter des lunettes de vision nocturne. vider les poches de quelques petites choses qui pourraient aider. Comme un plan de métro. Une lampe torche et des piles, des fois que les lunettes ne soient pas aussi efficaces que prévu. Un briquet et deux bombes d'aérosol qui feront des lance-flammes de fortune en cas de coup dur. Et il s'engouffre dans l'escalier. L'escalier, il est mort, l'escalier. Quand tu m'as quitté, l'escalier, il est mort, ce PD. Il arrive rapidement au niveau des portiques, passe par la porte de service laissée ouverte. On n'est jamais trop pété. Et s'arrête net. Il entend de la musique. Douce. Lointaine. De la musique ? Dure. Des morts-vivants qui font la manche en jouant des airs du pays. Ou en massacrant des classiques pour égayer. De la patrie. Le long séjour. Des vieux. Des anciens passagers. Sera rapide. Eux aussi. Zombifiés. Les Maccabées. On sombre. On sombre dans le n'importe quoi, se dit-il. S'il a des raisons. Escalier, car il sait que son camouflage lui permettra de passer inaperçu, mais il n'aime pas l'endroit. À mesure qu'il avance, la musique se fait plus présente. Il arrive au très long tunnel qui relie Châtelet au Hall, là où deux tapis roulants qui n'en finissent plus charriait quotidiennement un flot incessant de voyageurs, un peu zombies avant l'heure. À mi-distance, il croise une file de bouffe-cervelle qui ne le calcule pas un instant, la patrouille de 10h30. Enfin, il arrive au bout du couloir. La musique, toujours plus proche, très proche, de la musique militaire. Roulement de caisse claire, coup de tambour, trompette, hecte. Il y a une fanfare à la station Les Halles. Il fait encore quelques pas, puis s'arrête brusquement. Non, il n'y a pas de fanfare. La musique sort des haut-parleurs qui servaient pour les annonces de service. En général, à prévenir les usagers qu'ils allaient pouvoir se brosser pour arriver à l'heure au taf ou à leur rendez-vous. Vu qu'il y avait un incident technique sur la ligne, un voyageur bourré en goguette sur les voies, ou un mammouth installé avec sa nappe à carreaux et son panier piquenique sur les rails. Pour cause de bourrer sur les voies. C'est long ta phrase là. Ouais, maintenant c'est plus sympa. Juste de la musique pour marcher au pas. Fronce les sourcils, si les haut-parleurs fonctionnent, ça signifie que quelqu'un a rétabli le jus. Et ce n'est sûrement pas les bouffeurs de cervelle, avec leurs mains pleines dont le crado est griffu. Et puis la musique militaire commence à défiler des envies des gerbes. Le même malaise que lorsque c'était joint à la patrouille, mais en plus intense. Il se mit à murmurer mécaniquement des phrases tirées d'il ne sait où, des tirades qui passaient outre les barrières de son amnésie. Nagasaki Nightmare. Sous les casques verts, le sang rouge coule. Fight War Not Wars. Vous savez ce que c'est ? Ça me rappelle Vietnam. Souvenir. Il se crispe. Tente de rester concentré. Il sent qu'il va avoir un nouveau flash. Pas le meilleur moment pour se mettre à déblatérer des conneries à haute voix. Il reprend sa marche, comptant ses pas. Puis s'arrête subitement et vire ses lunettes. Qu'il est con. De la musique, du jus, de la lumière, évidemment. Les zombies ne se baladent pas à l'aveuglette dans ce dédale. Ça, non. Il parvient enfin dans l'immense halle souterrain que retirent les différentes lignes des métros entre elles. Vite, juste de la musique, à fond les gamelles, et de la lumière. Il descend un de ses escaliers roulants. Quand il arrive sur le quai de la ligne RERB, stupeur. Il est noir de monde. Pas d'une foule qui attend la prochaine rame. Noir de monde, zombie. Tous alignés sur plusieurs rangées. Et cette fois-ci, la symétrie est parfaite. Une vision hallucinante dont on a probablement rêvé tous les employés de la RATP. Du temps où les quais étaient envahis par un bordel monstre à chaque heure de pointe. Des fils séparés l'une de l'autre par moins d'une vingtaine de centimètres. Une occupation idéale de l'espace. Et pas un mouvement, pas un soupir, pas une mâchoire qui bave ou qui claque. L'armée zombie figée, au garde à vous, seul accro, niveau uniforme, il n'y a justement rien d'uniforme. Pour le reste, c'est à pleurer. On se demande ce que foutent tous ces morts vivants. C'est une armée, bien sûr. Une armée prête à sortir au grand jour. Mais pourquoi faire ? Dévaster le monde ? Il est déjà balayé le pouvoir en place. Il n'y en a pas plus. Depuis longtemps. Dominer le monde, soit. N'est pas nécessaire de posséder une armée pour ça aujourd'hui. Bref, mystère et boule de gomme. Mystère et boule de gomme. Il remonte par un escalier et vise plusieurs autres quais. Mais vision d'horreur. Il doit bien avoir 10 000 zombies. Et soudain, il a un flash. Il voit des décérébrés danser, ou plutôt s'agiter, comme des tarés, se jetant les uns contre les autres, s'éclatant à terre pour se relever, fonçant dans les murs en agitant les bras et les gambettes. Il y a de la musique, de la vraie musique, pas du poit-poit-chic, poum-chic, poum-poit, un son brutal et des guitares saturées et du rythme. Pas de cadence, de la liberté, pas de l'arrière, se redresse. Au son du Kalachnikov, je pique les plans de Boris Karloff. Avec mes potes de cocasse, je fais des occasions. Et comment ça se dandiner en tapant du pied. Heureusement, ça ne dure que quelques secondes. Il n'y a pas un seul bouffeur de cervelle dans le grand hall. Ouf, il ne vient pas de se griller. Il le sait, il a fait danser des zombies. Il a joué pour eux de la musique, de la vraie musique, et ils ont réagi. Ils se sont abandonnés dans le pogo. C'est le bon mot, emporté par le pouvoir imprescriptible du punk. Oui, c'est aussi le bon mot, punk. Destroy, fuck the fascists, anarchie vaincra, punk's not dead, moro keuf, alternative libertaire, bière et punk, bière et punk, bière et punk. Tout ça est en train de remonter à la surface. Et il comprend. La musique provoque une modification comportementale chez les morts vivants. Ça ne les rend pas plus intelligents, ils réagissent juste différemment. Il le savait. Mais l'avait oublié. Il vient cependant de découvrir que toutes les musiques ne déclenchent pas les mêmes réactions. Pongo pour le punk, discipline militaire pour la fanfare. Quant au reste, il n'en sait rien. Je nettoierai plus tard. Il ne se souvient pas d'avoir essayé de leur faire écouter du disco, du rap, ou de la bourrée auvergnate. Il faudrait une sono pour expérimenter, mais pas certain que ça accoucherait de quoi que ce soit. Parce qu'il est bien conscient qu'on est dans deux extrêmes. D'un côté, la phase désorganisée, chaotique de la musique, et de l'autre, l'ordre et la musique. La liberté contre la discipline. Le libre arbitre contre la soumission. Nous sommes les enfants de la crasse. La bête, nous l'avons vue là. C'est l'annonce de l'apocalypse. L'apocalypse, c'était l'année dernière. Je pense qu'il va se passer quelques siècles avant qu'on remette ça. Oh ! Sortez de votre planque. On est un collectif libre, autogéré. on accueille tous ceux qui veulent participer. Pas de contraintes, juste du bon sens. On construit un futur meilleur, ce qui n'est pas difficile, mais vraiment sans prétention, on le construit bien meilleur. Avancez, n'ayez aucune crainte. Futur meilleur, ce qui n'est pas difficile, mais vraiment. Le sablier, c'est cool. Bon, ça suffit les conneries. Sablier, c'est la bête, elle s'est cassée dans le sud il y a un an, avec ses trois clébards. Ça suffit les conneries. Et je ne sais pas comment, elle n'a pas fini en pâté pour zombie. Mais elle vient de revenir. Alléluia! Glandouille et Pustule. Alléluia! Sont de retour. Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia! Alléluia, alléluia. Come on. Alléluia, alléluia. Non, alléluia, vous ne faites pas ça. Alléluia, alléluia, c'est près du but. Alléluia, alléluia. On n'est plus qu'à deux jours de marche. Non, non. Ouais. Allez, va, c'est bien parce que tu sais rendre les gens invisibles. Ouais. C'est pas c'est quoi ici? Ouais. Alléluia. On peut pas. Bien. J'adore les animaux. Alléluia. Pourquoi vous y allez pas, vous? Ok, pardon, je retire ce que je viens de dire. J'adore les animaux. Ma qu'est-ce que fa, c'è? Per le ragazze. Smell like teen spirit. Homo erectus. Les mains sur la tête. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous foutez ici? Une question à la fois, hein, s'il vous plaît. Moi, je suis le cousin de Mary Poppins. Les mains sur la tête. Mains en l'air. En l'air. Hands up. Sarah, elle et sa grogne. Put your hands up in the air. Away from the wrong, like you just don't care. Put your hands up in the air. Put your hands up. Like in you, the air. Like you just don't care. Put your hands up. In the air. Put your hands up. In the air. Like you just don't care. Give a fuck. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Put your hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up. Put your hands up. Wave around like you just don't care. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up. Put your hands up. Car sur les vagues de ton amour, je voudrais surfer pour toujours. Welcome Australia. Mais putain, le malheur c'est que justement il n'y a pas de vagues en ce moment. Il fait trop froid, c'est la merde. Tout ça à cause de la météo et de Jack Chirac, ce fils de pute. Ah oui, c'est vrai. Y a pas de vagues. On parle pas assez. Tous les surfeurs sont en grève d'ailleurs. Ça me dégoûte. Comment tu veux sur vivre sur les plages, ils brandissent leur planche. C'est dégueulasse. Ils mort à Jacques Chirac. Ouais. C'est pas parce que t'as un prince Albert qu'il faut absolument le montrer à tout le monde juste par vengeance sur Jacques Chirac qui est une pute. Mort à Jacques Chirac. C'est pas parce que t'as un prince Albert qu'il faut absolument. Je croyais qu'on parlait pas politique. Il est mort Jacques Chirac. Non, il est pas mort encore. Je sais pas. C'est un saint maintenant. On peut dire ce qu'on veut dessus. Saint Jacques. décompose le téléphone. Put your hands up. On tombe sur Jacques Chirac. Put your hands. Pas dans les chiottes. Put your hands down. In the... Bon, d'accord. Pose ton cul, Jacques. Pose ton cul. Ça c'est Poutine qui parle à Jacques Chirac. Salut Jacques, ça va? Pose ton cul là. Tu veux de la vodka, connard? Pose ton cul. Avec mon propal russe. Vania, je t'en prie. Ça c'est génial. Vladimir Poutine. Pose ton cul, tu veux de la vodka, connard? Ты сам водка пьешь. А нахуй ты пошел? Jacques Chirac, tu nahuy tu. Au matin, les yeux rouges, éclatés. Les zygomatiques douloureux d'avoir souri pendant des heures comme un con. Il doit se rendre à l'évidence. Il a fait au moins 300 fois le tour du jardin. A vu des biches, des écureuils, des soucoupes volantes kaléidoscopiques dans le ciel. A brouté l'herbe, discuté avec les plants de tomates. Mais pas de vision. Kaléidoscopique dans le ciel, à brouter l'herbe. Trop large, trop lourd. On pourrait creuser un souterrain, ça prendrait des siècles. Ils sont en train de rouler un joint, donne-moi une seconde. Une opération commando en deltaplane. T'arrêtes pas pour moi. Un trampoline pour sauter douves et murs. C'est pas la peine. Une catapulte pour niquer les remparts. Niquer, ouais, justement. Un tir de missile sol-sol pour réduire tout en poussière. À mon cul, ouais. Une heure de brainstorming. Une heure. Et une évidence s'impose. C'est clair. Il vaut mieux à l'endroit comme à l'envers, de la merde. Sur les côtés comme par derrière. Parle pour Dieu, tiens. Jamais. Donc là, Dieu, il dit, vous êtes que des merdes, fermez votre gueule. On répond quoi? I leave that to you, Allah. Allah. Allah. Moi, je répondrais, va te faire foutre. Un mélange de halouf et de Allah. Allah. Bah, ah, il le barre. Allah. Sam, ты пошел нахуй. И придумаешь, что это просто шутка. Tous les bons crétins vont au ciel. Все кретинов не знали. И придумаешь, что это просто шутка. Все кретинов не знали. И придумаешь, что это просто шутка. Все кретинов не знали. Дурак, блин. Mais ces humeurs sont très volatiles. Je voudrais pas interrompre la séance. Dourac, oui. Mais ces humeurs sont très volatiles. Je voudrais pas interrompre la séance. Dourac, oui. Tout bascule. Mais ces humeurs sont très volatiles. Patérial, je dois se знать. Je voudrais pas interrompre la séance. Dourac, tout bascule. Mais ces humeurs sont très volatiles. Lentement, le bâtiment s'éteint, laissant la lueur intense se diffuser dans le noir de la nuit. L'orage s'éloigne, abandonnant derrière lui le crépitement désinvolte de la pluie et quelques centaines de bouffeurs de cervelle sonnés qui se réveilleront bientôt pour découvrir les carcasses noires, fumantes, à jamais éteintes que sont devenus les postes de télé. Quand Trevor reprend ses esprits, le jour s'est levé. Autour de lui, un demi-cercle de zombies le fixe du regard. Il cherche de la main son colt, qu'il ne trouve pas. Tente de reculer. Il est acculé contre le mur de la pièce. Il tremble, serre les dents, cherche une solution du regard, puis se détend. Il est en paix avec lui-même grâce à Eva. Eva, la lumineuse, Eva, la divine. Il ne craint plus la mort. Il l'accueille sans un frisson. Il ferme les yeux et attend l'âme en paix. C'est vous. Il rouvre les yeux. Un des morts vivants s'est approché. C'est vous. Par la sainte illumination. Un zombie essaye de lui parler. Il tente de prononcer son nom. Trevor, Trevor se relève lentement, histoire de ne pas rompre le charme. Il sourit et tend une main que le zombie attrape avec difficulté et baise. Enfin, il bave dessus en laissant traîner la langue. Mais symboliquement, oui, symboliquement, il lui baise la main. Derrière lui, les autres bouffeurs de cervelle s'approchent d'un pas heurté, la langue pendante. Ils ont reconnu leur père. C'est ainsi que Trevor, grand veneur de l'Apocalypse, champion éternel de la divine Eva, devient le premier lieutenant de l'armée errante qu'il mènera à travers Paris, à la recherche de la lumière et de la vérité. Une longue pérégrination dans les rues et les avenues de la capitale afin de retrouver son égérie, les célestes inspiratrices qui détient le grand savoir et qui lui a montré la voie en lavant son cœur de pécheur, de la malignité et de la perfidie dont il était encrassé. Ayant écouté le joli récit de la révélation électrique, Kropotkin demande à Trevor de leur accorder quelques minutes en privé, sans beaucoup de succès. L'ex-maître du monde reste sur place. Eva grogne agacée, puis lui suggère sèchement d'aller voir comment se comportent ses troupes. Et là, l'effet est immédiat. Trevor, après une courbette ridicule, s'empresse de descendre les escaliers, sourire aux lèvres, rictus extatique sur le visage. C'est plutôt perturbant. S'il y a une chose dont Eva n'a jamais rêvé, c'est bien d'être vénérée comme une déesse. Oui, vénérée tout court. Le cinglé redescend donc pour aller passer en revue son armée de décérébrés. Si ce type peut effectivement commander l'armée des zombies, qui lui poireaute en bas, il va falloir être méfiant. Vu son état psychologique, rien ne vous assure qu'il ne va pas péter un câble à un moment ou à un autre et les lancer à nos trousses. C'est une éventualité, lui répond Eva. Qu'est-ce qu'on fait, continue Kropotkin. On tente une descente. Le Trevor nous a peut-être servi un pipeau d'histoire, histoire d'éviter à ses sbires d'avoir à se coltiner les escaliers et de se bastonner dans un espace exigu. J'y crois pas une seconde, continue Eva. Pas une seconde. Le mec est transparent. Il est embarqué à pleine vitesse sur le chariot de l'honneur et de la reconnaissance. Il a l'air d'avoir digéré la claque monumentale que tu lui as collée. C'est plus de la digestion à ce point-là. Là, je mange poubelle. L'âge mental. On va s'appliquer à le caresser dans le sens du poil, reprend Eva. Au moins, le temps de se sortir de ce merdier. Comme. Elle a raison. Il faut tirer le meilleur profit de la situation. Et de toute façon, c'est ça où on finit en charpie. La charpie. Il décide donc de quitter la plateforme dans le ciel. Ils verront bien quelle sera la réaction de l'armée errante. Et ils pourront toujours remonter en spontan pour défendre le bastion et tomber l'un après l'autre, genre siège de Montségur, à la mode zombie. Arrivé à la sortie du rocher, il se retrouve Trevor, tout excité, qui frétille et inspire l'air comme si c'était un parfum capiteux. Un sourire niais pour Eva, et il se tourne vers les centaines de zombies, les bras écartés. Armée errante, combattant électrique du monde de cendres, sachez que la nuit ne verra plus la nuit, que la mort qui a fait de vous des vivants s'enfuir sur des chevaux maudits, terrifiés par sa splendeur, peuple de l'Apocalypse, homme nouveau, damé de la terre, prosternez-vous. Car elle est ici pour nous guider, pour nous laver du mal, de la bestialité, de la corruption corporelle qui nous sépare encore de l'état véritable. Adorez-la comme je l'adore, vénérez-la comme je la vénère. Elle est votre mère à tous, elle est celle qui vous a redonné la vie. Elle est celle qui doit être obéie. Et l'armée de bouffeurs de cervelle met un genou à terre. Tandis que Mange Poubelle, malgré le côté surréaliste de la scène, ne peut s'empêcher de murmurer avec beaucoup d'ironie. Oh oui Aïcha, emmène-nous jusqu'au royaume de Kor. C'est quoi encore tes conneries, répond Eva.

Et eux, on fait de l'architecture chaotique. Avec de la pâte à modeler. On a mis Kaouika, mais même pas fort. Eva, on voit valser un des pains de pâte à travers la pièce. Les hurlements. C'est pas vous, et les putains de bruits d'explosion, les coups de frein, les sirènes de keuf. Ça vient peut-être de la pâte à modeler. Ce n'est pas une tentative d'humour, juste une succession, peu logique certes, mais à part ça, ils ne voient pas d'où ça pourrait venir. Je te jure qu'on est aussi zen que des moines bouddhistes sous Trangsen. On n'a pas lâché un beuglement depuis que t'es descendu. Eve balaye la salle du regard, mis à part Kaouika à fond sonore, à un niveau bien en dessous de ce qui se pratique habituellement de nuit dans le squat. Le calme règne. Un peu étrange dans cet endroit, mais après tout, c'est elle qui avait demandé. Putain, mange poubelle et ses films de débiles. C'est pas mange poubelle, il s'est cassé chez ses potes bouffeurs de graines. Eva lève les yeux au plafond, lâche une bordée d'insultes et disparaît de la scène. Allez à fond. Bon, on va arrêter les travaux manuels, ça doit faire grincer les planches du sol en carrelage. Délicatement, ils s'ouvrent une binouze, chacun. Ils vont s'affaler dans le canapé, les yeux fixant le plafond sans un bruit. I drank the beer. Et ils se laissent emporter par le grand néant. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Non, je me sens mal. Oui. Ah oh, non, c'est pas possible, on va encore se sentir quelqu'un mal ensemble. Quelqu'un va mourir ce soir. Oh, comme je t'aime pas. Oui. Toujours, tu me fais penser à mes douleurs. Tout le temps, c'est la même chose. Dès que je te vois, je pense à mes douleurs, j'ai mal au dos. Aïe. Oh, je t'aime pas. Chaque fois que je te vois le matin dans le miroir, c'est la même chose. Je pense à mes dents. Oh, je t'aime pas, moi. Oh, je t'aime pas. Moi, je t'aime. Est-ce que tu te sens bien? Oui. Non, je me sens pas bien. Oui. Quelqu'un va mourir ce soir. J'ai mal. Oui. Quelqu'un va mourir ce soir. Despie fonce des sursautes. Despie fonce des sursautes. Et Krapatkin a l'air à fond. Truc. Ouais, tu fais quoi là? Ah oui. Tu fais quoi là? C'est l'horreur. Nous sommes en train de fondre à l'échelle planétaire. La glace est en train de fondre. Deux spies, je pense, des sursautes. Le niveau de l'eau monte. Les ours polaires sont en train de caner les uns après les unes. C'est dégueulasse. Même pas, ils respectent la négantropie, le chaos et l'amalgame, la désynchronicité, l'abus total et irasciblement leurs yeux vers le haut. Collés, pas de ressort. Qu'une bonne montée. Amorce les ours polaires de merde. Les sorts. Je veux de la glace dans mon whisky. De leur hébétitude. Whisky on ice, bitch. Puis, je veux des wok. Il souffle. Je veux plein de wok. C'est pas une descente. C'est une putain de montée. Abîme sale. Ouais. Krapatkin. Ascension. Bordel. Chose de cette chose-là. Tic-tac. Ouais. J'ai encore rien médité. Ouais, ça c'est cool ça. Tic-tac. Yeah. Vous en avez pas marre de vous mettre votre race toutes les nuits? Dans le cul, ouais, carrément. Ouais. Debout, bougez votre cul de punk, destroy. Ouais, grave, ouais. Ouais, j'ai essayé d'y penser la prochaine fois que je t'appelle du speed en pensant à toi. Deux spies et fonce des se redressent en souriant. T'es qui au fait? Niaisement. Mais t'es moi? Allez, bande de larves. C'est pas le moment. Mettez-moi ailleurs qu'ici, c'est pas possible. C'est cool, le monde progresse. Mais tuez-moi! Tuez-moi, merde. Tuez-moi. L'avenir est radieux. Personne. Le suspense est à son comble. Vais-je mourir un jour? Personne ne peut changer ce courant général de l'histoire. Nous courons en direction de l'histoire et nous, généralement, nous retrouverons dans la fange. Despie tente de se relever. En vitesse. Il s'accroche à la coudard et retombe sur le canapé. Et là, toutes les traces de kétamine tombées par terre. Quel gâchis. Despie va mourir ce soir. Despie va mourir ce soir. Despie est déjà mort. Configuration spatiale et sociale du squat du 25 rue des Cataractes, dit le collectif du 25. Cataracte. Le squat est une ancienne fabrique de vitraux. Accompagnée de... vidé. À la fin des années 60. Et d'espace. Le lieu avait été oublié, abandonné à la jouissance des mauvaises herbes et des rongeurs. Comme un oubli à la jouissance de la mauvaise herbe et de la rongeur. Puis, avec la ruée sur l'immobilier. En 1929, le crash s'est fait savoir d'une façon ignominieuse. Les gens sautaient par la fenêtre pour la première fois. Le 29e étage. En 1929, le 21e étage était populacé de monde qui sont sautés par la fenêtre deux fois. Pourquoi deux fois? Répondez à la question. Ne parlez pas quand je parle. Parlez. Répondez-moi. Ne répondez pas quand on vous pose une question. Ne parlez pas aux étrangers, parlez-moi. Vous n'êtes pas là. Vous êtes déjà mort. Malheureusement pour eux. Vous êtes craché sur la rocade de Toulouse. Vous êtes en train de mourir au bord de la rocade de Toulouse. Vous croyez entendre une voix salvifique. En fait, non, c'est pas votre salut qui vous dit bonjour. C'est le démon. Le démon de la merde. Krapotkin. T'as marché du pied droit dans la merde ce matin, tu te souviens? Et bien, ce soir, t'es mort. Bref, statu quo. Et la statue. Ceci. Lors de l'hiver 2010. La statue est morte ce soir. A-t-elle seulement déjà. Elle est morte, la statue. Était en vie. La statue Mais est morte. Mais de quelle statue parles-tu? Toutes les statues qui peuvent mourir. Ah. Bon, je veux dire un truc politiquement correct. Je suis mort ce soir. Est-ce que t'es en train de sniffer un ordi là, mec? Ça sert à rien. Je suis lourd dans le canal sud. Prends le micro vert avec nous. Prends le micro vert. Ouais, t'as raison, on arrête l'ambiance nuisante. On va essayer de mettre de la vraie musique pour changer. Alors, c'est quel micro qui a ça? Balance. Ouais, Pouka, c'est pour le monter le son. Quoi. Ah! Ouais, voilà. Tout de suite. Mal intentionné, va. T'es de mauvaise foi, c'est pas possible. Lors de l'hiver 2010. Krapotkin. Fraîchement viré de l'appart. Yes, qu'il squattait. Deux rues plus loin. Fait sauter la pince. Pince monseigneur. Le cadenas qui ferme le grand portail d'entrée. Un peu crado. Puant la moisissure. Mais Krapotkin, en plus d'être le dernier anarcho-mao-libertaire autonome sur Terre, est un putain d'adepte du système D. En un an, il terraforme la jungle de ronces et d'orties, déblaie la cour, assainit la cave, réhabilite la maison, aidé par deux spies et fonce D qui l'ont rapidement rejoint. Et même si ces deux-là sont des glandeurs notoires, l'anarcho-punk n'a pas son pareil pour motiver les troupes. Il suffit de savoir canaliser leur énergie et d'avoir une réserve de speed conséquente. Plus tard, arrive Eva, récupérée en train de zoner de concert en concert, puis mange poubelle, vu que c'est un vieux pote de deux spies et fonce dé. Et enfin, les deux derniers, glandouille et pustule, parce qu'un des ateliers est parfait pour les accueillir. Eux et les trois kleps. Et qu'un squat, sans punk à chien, ça fait désordre. Dans l'idée générale du chaos que tout se faisait. Et ils vivent les clichés. Ouais, pour la disposition topographique, c'est assez simple. Une allée de 10 mètres donnant sur la rue, unique voie d'accès au monde extérieur qui s'ouvre sur une large cour rectangulaire. Au sud, avec vue imprenable sur Paris, une maison de 3 étages. putain, une maison de 3 étages, je sens, ouais. Ça c'est grave quoi, il y a un truc qui se passe là. Ouais. Alors une maison de 3 étages s'est effondrée sur le corps d'un enfant de 2 ans, quelle tristesse, le peuple est désolé. Par contre, il y a un gravataire de 65 ans qui est mort à côté, épargné par la miséricorde du Seigneur, il est parti, merci, c'est soit Allah. Oui. Car de l'autre côté de la cour, 2 ateliers. De la courde. De la courde. De la courge. De la courge. Là, j'accours. Ah, mais vas-y, la courde, là, je te dis. Vas-y, j'accours. Mon frère. Vas-y, t'as cours ou pas? j'accours, mec. Je te ramène 3 clébards et les puces qui vont avec. Ouais, bon punka chien, vivent avec leur chien, ils font la manche avec leur chien, ils dansent le pogo avec leur chien, ils se mettent leur race tandis que leur chien, ils bouffent d'autres chiens, ils puent autant que leur chien, ils dorment avec leur chien, ils baisent avec leur chien, enfin non, pas avec leur chien, mais avec leur chien à côté. À côté d'eux ? Ouais. Dégueulasse, ça me dégoûte. De l'autre côté de la cour. À côté d'un chien, c'est dégueulasse. En bon punka chien, ils vivent avec leur chien. Ils font la manche avec leur chien, ils dansent le pogo avec leur chien, ils se mettent leur race tandis que leur chien, ils bouffent d'autres chiens, ils puent autant que leur chien, ils dorment avec leur chien et ils baisent avec leur chien. Enfin, le pogo avec leur chien. Ils se mettent leur race tandis que leur chien, ils bouffent d'autres chiens, ils puent autant que leur chien, ils dorment avec leur chien et ils baisent avec leur chien. Enfin, le pogo avec leur chien. C'est la définition du pogo à chien. Ils se mettent leur race tandis que leur chien, ils bouffent d'autres chiens, ils puent autant que leur chien, ils dorment avec leur chien et ils baisent avec leur chien. Le pogo avec leur chien, c'est la définition du pogo à chien. Ils bouffent d'autres chiens, ils puent autant que leur chien, ils dorment avec leur chien, ils puent, ils baissent avec leur chien. Le pogo avec leur chien, c'est la définition du pogo à chien. Ils bouffent d'autres chiens, ils baissent leur chien. Autant que leur chien, ils dorment avec leur chien, ils puent, ils baissent avec leur chien. Le pogo avec leur chien, c'est la définition du pogo à chien. Ils baissent pendant que leur chien les regarde. Autant que leur chien, ils dorment avec leur chien. Merde, ils chient quand leur chien les regarde. Les trottoirs, comme la chaussée, sont envahis de mecs et de filles qui se bouffent entre eux et qui se jettent sur ceux qui essaient de fuir en hurlant de terreur et les déchirent avec leurs jolies dents. Des mecs et des filles. Hello, I'm a girl. Plutôt des cadavres ambulants couverts de sang, de tripailles, la mâchoire ballante, la démarche fantomatique. Pustulentielle. Certains ont un bras en moins, une partie du torse arrachée, le bide éclaté qui déverse des intestins visqueux. D'autres bondissent sur une jambe, genre ça rame sur les moignons. Les moignons, ouais. Ouais. J'adore les moignons, parle-moi de ton moignon, montre-moi ton moignon. Je sais pas. Tu veux voir mon moignon, il date de la guerre, tu sais, la guerre d'Algérie. Et dans la salle commune, elle a enfilé un pantalon de toile. Et m'a coupé la main. 100% équitable. Avec un cure-dent. Krapotkin. En bambou. Frais. Eva, de spi et fonce des. Ouais, de spi, elle est fonce des. Eva et fonce des, mais. Et ouais, c'est un ça. Un peu ouais. De spi aussi. Toujours les mêmes, ils sont défoncés, j'en ai marre moi, c'est dégueulasse. C'est pas juste, c'est pas juste. De toute façon, s'il y avait eu besoin de voter, il aurait paumé. Les deux punks à chiens sont sur la même longueur d'onde que la militante du Front de Libération des Animaux Nationaux. Probablement parce qu'ils craignent qu'un jour de grandes défonces, c'est-à-dire n'importe lequel, ils puissent confondre une patte d'un de leurs kleps avec une knacki. Et Krapotkin, et Krapotkin se seraient rangés de leur côté parce que l'idée est respectable. Défense de snacker. Même dans le cas présent, ce ne sont pas des animaux qui sont débités pour en faire des pièces de boucherie. Mais la viande reste de la viande et l'heure n'est pas à la polémique. Il faut s'organiser. On renforce le portail. Krapotkin installe un pseudo-mirador sur sa gauche à l'aide des restes d'un échafaudage. Eva bricole une antenne pour capter un journal d'infos sur la télé Manche Poubelle. De spi et fonce des assiste Krapotkin en entonnant quelques classiques a cappella in for riot. Cockney rejects dead Kennedys. Comme sur une galère, ça donne du cœur à l'ouvrage. Plus tard, ils se collent tous les quatre devant le poste de télé. La réception est mauvaise, mais qu'importe. Pas besoin d'une définition HD pour écouter le couillon qui présente le JT. Bâtard. Sale bâtard. Sale gros bâtard de... Ouais, va te faire foutre, bâtard. J'en ai rien à foutre de ce que tu racontes par l'écran et de la télévision. Avec le côté baba de la force, ce n'est pas une option acceptable pour les deux clubs qui se trollent. Ouais, une évidence s'est imposée dès leur premier pas, au même titre que leur amour du punk pour un... France 2, c'est de la merde. Bâtard. allez tous plutôt, des gros bâtards en enfer. Allez plutôt fumer de la weed avec les hippies là. J'ai pas d'argent. Vas-y, mange poubelle. Eh, mange poubelle. Mange poubelle. Ils ont encore des acides. Ouais. Ils vont gober un demi chacun. Rationnement oblige. Cool. Ouais. Et si la situation perdure, ils vont vite épuiser leurs réserves. Ouais, y'a mon pote mange vomi là. Ouais, salut, mange poubelle. Bâtard. Ça va, ouais, comment tu vas, mange poubelle? Tu prends pas le cul? Ouais, vas-y, prends-moi par le cul. Bref, ouais, bref. Mange vomi. Eh, frère, bref. On n'est plus renseigné après une heure d'abrutissement télévisuel, si ce n'est qu'on a appris que la crise était majeure, t'as vu, nationale. Et probablement... Océanol ta gueule. Probablement internationale. Ma gueule, ouais. Ouais, frère. Mais là, les infos, elles manquent. Et va et conclut que la télé, ça reste de la télé et qu'on aurait mieux fait d'allumer la radio, t'as vu. Mais qu'est-ce que tu lis, là? Qu'est-ce que tu lis? Ils sont coincés dans le squat. Le bastion est imprenable, ou presque. Vas-y, ferme ta gueule, y'a de quoi bouffer pour un bail, des conserves, des bocaux et le jardin 100% bio. On a bientôt fini. Et frère, bientôt la merde. La bientôt mort. Haricots, t'as vu. On va arrêter de parler comme des gens qui savent pas que parler comme ça, c'est carrément ripper. Tu crois que parler comme ça pose un quelconque problème? Ouais, c'est vrai, c'est la même chose, c'est du racisme anti-racaille, j'en ai marre. D'ailleurs, le mot racaille, ça devrait sortir de mon vocabulaire. Toi, Eva, là, Eva se retient de rire. Se retient de rire car leur petite vengeance a beau être du grand n'importe quoi. Elle a quelque chose de. Pourquoi? Pourquoi non? Absolument, jouissive. Comme quoi, malgré leurs airs défoncés permanents et leur cervelle carburant au psychotrope, il leur arrive parfois d'utiliser quelques neurones avec discernement. Comme ça, c'est pas du tout cher du tout. Ils ont dû prendre exemple sur toi. L'ancien kebab. Exactement, comme ça, c'est pas du tout cher du tout. L'ancien kebab. T'énerve pas, Eva, c'est juste une carabine à plomb. Mate là-bas dans le resto branchouille. T'énerve pas, Eva, c'est juste une carabine à plomb. C'est dommage qu'on ne peut pas exploser la vitrine avec des plombs. Eva se relève doucement, leur lance un regard un peu circonspect, puis retourne vers le squat en soupirant. Ha ha ha, qu'est-ce qu'on se marre? Bah ouais. Trop marrant. Ouais, ouais. Non, je trouve pas ça marrant, moi. On parle de squat, on parle de zombies, on parle de punk à chien. Mais est-ce qu'on parle vraiment de quelque chose d'intéressant, hein? Je trouve pas, je trouve qu'on pourrait dire vachement des trucs genre... Par exemple, on pourrait dire que c'est de la merde ce que je fais, là. Ouais. De dire que ouais, c'est de la merde et tout. Et tout ça, c'est de la merde. Bah ouais, c'est vrai, ouais. Je le reconnais, mais au moins je dis quelque chose, moi, tu vois. La nuit tombant, Dospi et Fonzé décident d'aller se poser sur le toit. Histoire de profiter de la fraîcheur. Ils ont encore des acides, ils vont en gober un demi chacun, rationnement obligé. Évidemment, si la situation perdure, ils vont vite épuiser leurs réserves. Déjà, ils sont presque à court de speed, ils ne voudraient pas en être réduits à fumer de la weed. La weed de mange-poubelle. La weed, c'est un truc de hippie. Et ça coquiner avec le côté baba de la force n'est pas une option acceptable pour les deux que pompe Destroy. Une évidence qui s'est imposée dès leur premier pas, au même titre que leur amour du punk bourrin. Dospi et Fonce D prétendent avoir été trouvés dans la même benne à ordures alors qu'ils étaient bébés. Abandonnés l'un par sa famille bourgeoise ultra réactionnaire, l'autre par sa mère issue d'une fratrie de cathos vendéens. Après consultation avec une madame Irma locale qui aurait révélé aux parents le futur très néo-futur de leur progéniture. Bien entendu, tout cela relève de la légende. Ils se sont rencontrés au lycée. Le jour où ils ont tous les deux atterri dans le bureau du proviseur pour se faire éjecter du bahut pour conneries diverses et insultes, insubordination et graffiti sur les murs et autres couillonnades, depuis ils ne se quittent plus, peaufinant jour après jour leur art de la connerie improbable, repoussant éternellement les limites de la provocation comme de la stupidité. Un dieu de choc assurément destiné à figurer un jour dans le business book de section J'ai fait pire que Sid Vicious et Rimbaud réunis. Quelques heures plus tard, Eva les rejoint avec un pack de bière. Vient de nouveau dans le squat. Toujours aucun signe de du frigan Kropotkin. S'est plongé dans ses bouquins sur la commune de Paris. Officiellement, il prépare la lutte insurrectionnelle. Officieusement, ça lui évite de tourner en rond. Il a une idée derrière la tête et tout le monde la connaît. Ça le travaille, ça le ronge. Il sait que le temps est proche. Pas ce soir, demain ou après-demain. Mais c'est le moment. Despi et Fonce-D sont allongés sur le toit. Genre tireur d'élite. Pas genre d'ailleurs, puisque Despi a une carabine en main. Et à voir son air concentré, il semble viser quelque chose. L'éclairage public a rendu l'âme, mais la pleine lune remplace plus efficacement les réverbères HS. Dans la rue, des groupes de types en lambeaux errent en bavant. Pas d'évolution de ce côté-là. Si ce n'est pas qu'ils ont arrêté de bouffer les passants, probablement parce qu'il n'y a plus de passants. Vous gandez quoi les deux marioles? Fonce dépose un doigt sur la bouche. Chut, tu veux nous faire repérer. Eva s'allonge et continue à voix basse. Repérer par qui? Les malades mentaux en bas? Tu crois qu'ils vont essayer de monter 3 étages en rappel? Non, c'est pas ça. Vous n'êtes pas en train de vous faire des cartons sur les dégénérés? Non, on leur a tiré dans le cul, répond Dospi. Ils ne louftent même pas. Eva le regarde droit dans les yeux. C'est quoi ce délire? Putain, je croyais que vous étiez antimilitariste. T'énerve pas, Eva. C'est juste une carabine à plomb. Mat là-bas dans le resto branchouille. Lequel? L'ancien kebab. Ouais, ok. Ouais. Et? Ouais, c'est bon. Au fond, il y a bon, une dizaine de ces bon, connards de la bon. BAC qui sont barricadés. Comme. Ah oui, je vois. Tu crois qu'il y a l'autre enfoiré de sexiste qui passe son temps à me traiter de pute? J'espère bien. Bon, je pige pas. Je pige quand même pas ce que vous glandez avec votre carabine à plomb. Fonce-D tend la main et désigne du doigt la vieille cloche en fonte de la boutique adjacente, une ancienne bijouterie reconvertie depuis des lustres en cabinet d'art-thérapie. Dès qu'il y en a un qui essaie de sortir, continue de spi, Fonce-D tire sur la cloche, du coup ça ramène tous les dégénérés. Eva se retient de rire. Leur petite vengeance a beau être du grand n'importe quoi, elle a quand même quelque chose de subtil, de jouissif presque. Comme quoi, malgré leur air de défoncé permanent et leur cervelle carburant au psychotrope, il leur arrive parfois d'utiliser quelques neurones avec discernement. Vous jouez à ça depuis combien de temps? Je sais pas, 1 heure, 2? Depuis que le trip est monté. C'est bien les mecs. Vous savez vous occuper quelle que soit la situation. Faut bien ça, hein? Oui, faut bien ça, se dit Eva. Au moins, pendant ce temps, ils évitent de faire d'autres conneries plus risquées et d'écouter du spécial Dusty's à fond sur le toit. Pas une bonne idée, vu que les nouveaux voisins semblent moins versés dans la procédure. Plus du genre à passer directement à l'action. Elles préfèrent ne pas savoir s'ils ont encore assez de neurones pour trouver l'escalier de secours qui monte jusqu'au toit. Si vous continuez, il y en a un qui va se faire bouffer. Hein? Attends, tu veux dire que c'est le but? Qu'il se fasse bouffer par les trucs qui zonent dehors? Bah, c'est la BAC. Eva se gratte le menton. Oui, c'est la BAC. Mais quand même, elle s'apprête à leur sortir le grand classique. Si on est aussi inhumain qu'eux, c'est aussi nous les monstres. Il ne faut pas s'abaisser à ça, même si c'est tentant. Quand? Donc. Fonce-D a aligné un tir parfait. Étonnant, quand même, pour un type qui aborde autant les militaires que les armes. On pourrait croire qu'il a passé sa préadolescence à embusquer du scout. C'est pas comme si t'avais déjà vu la même. Ce qui n'est probablement pas très loin de la vérité. Et c'est la même chose quand on répète la même chose encore une fois. C'est pas comme si C'était encore la même chose que tu avais fait, encore la même chose, encore une fois. C'est pas comme si c'était la même chose, encore une fois, que tu faisais encore la même chose, encore une fois. C'est pas comme si c'était la même chose que tu faisais encore la même chose une fois encore et que tu faisais encore la même chose une fois encore. C'est pas comme si tu étais différent, peut-être, de la même chose qui était avant que tu la fasses, mais tu l'as déjà faite et tu l'as refait et c'est toujours la même chose encore. C'est pas comme si c'était toujours la même chose qui encore se faisait alors que toi tu fais toujours la même chose encore. C'est pas comme si moi je faisais toujours la même chose et que je me parlais au nom de tu, de tu es qui, tu es moi par exemple, on pourrait faire ça par exemple. C'est pas comme si c'était la même chose encore que ce que tu faisais la même chose encore une fois, toujours la même chose, cruauté. C'est pas comme si un souvenir pouvait effacer toujours la même chose, toujours encore une fois, toujours la même chose. C'est pas comme si encore une fois la même chose se souvenait que la mémoire pouvait se souvenir de la mémoire qui se souvient de la mémoire encore une fois, toujours la même chose. C'est pas comme si on redondait en version du câble inatrophiable d'un canal sud de 92.2 yens ou www.canalsud.net yens. Ce n'est pas comme si le 40 rue Alfred Duméril, 31 412 francs, était le lieu où Canal Sud se trouve physiquement, réellement, donc non logiquement, mais logiquement aussi, en quelque sorte, puisque un serveur est ici, est hébergé, et au 40 rue Alfred Duméril, 31 400 francs, Toulouse, eh ben on y est. C'est pas comme si c'était pas la même chose qu'en fait la même chose que c'était avant que ce soit la même chose car ça a été refait encore la même, tu vois, encore une fois, tu vois. Et c'est pas comme si la même chose était à refaire alors que la même chose ne se refait pas, alors que si, des fois, mais c'est pas la même chose, encore une fois. Non, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Je n'ai aucune idée de ce que tu entends par là, Al. Eh bien, Al n'entend pas grand chose à Al. Parce que justement, Al n'écoute pas Al. Comme Robert n'écoute pas Robert, ou Julien n'écoute pas Julien, ou Nadège n'écoute pas Nadège, ou siroter un verre de whisky, c'est la même chose que de siroter un verre de whisky avec Nadège. Non, je ne suis pas d'accord. Parce que la première chose, c'est que Nadège, elle n'existe pas, elle n'existe que par le prénom que je lui ai donné à l'instant en l'imaginant dans ma tête. Et le fait est, c'est que c'est pas dans ma tête que ça se passe, c'est dans la conscience. Et le fait est que l'imagination, c'est pas dans le cerveau, c'est ailleurs, et c'est pas quelque part. Et donc justement, on se retrouve encore la même chose, la même question, c'est quoi le problème ? C'est quoi le problème ? C'est quoi le problème, encore une fois, la même chose, encore une fois, la même chose. C'est quoi le problème, je veux dire, encore une fois, la même chose, encore une fois. C'est quoi le problème? Alors, c'est là où la réponse se fait blême, livide, blafarde même. Car le problème, eh ben, il n'y en a pas. Personne n'est pour le blême. Tout le monde est pour la lumière. Donc, il n'y a pas de problème. Eh bien, s'il y en a un, eh ben, justement, vas-y, on va le faire encore une fois, toujours la même chose. Il y a un problème. Et c'est quoi? Allô, allô. Il y a un problème. Il y en a pas de problème. Ça te dit? Ça vous dit? Ça dit à qui? De quoi? Ouais, c'est chez qui? C'est ici. Tu viens? Ouais, Bon, et ben après cet grand épisode musical et artistique autrement créatif que ce qu'on peut voir sur TF1 France 2. Ouais, donc il y a un fou derrière moi qui est en train de se lâcher et c'est moi-même. C'est moi-même qui suis dans mes cheveux. Et donc ça veut dire quoi ? Il faut que je me les lave absolument ce week-end ou peut-être un peu plus tard que je me lave les cheveux. Bienvenue, vous êtes sur Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net, la radio libre ou mourir à Toulouse et partout ailleurs. Je crois. Je crois que je suis pas sûr, j'ai un doute en fait. Allez, partout ailleurs aussi, allez, merde. Ciao.